avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Qui peut me dire que c'est normal d'avoir envie de violer un petit garçon de 3 ans? Mais est-ce que c'est prédéterminé? Non, ça c'est pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un comportement? Personne ne dira ça. Non, ben, c'est déjà pas mal. Je peux apporter un témoignage personnel, ça m'est jamais traversé l'esprit. Bon, alors à partir de ce moment-là, quelle est la part de l'inné et quelle est la part de l'acquis?